France Bleu Toulouse, 95. Retrouvez-nous dès 6h. Enfin du bleu dans la ville rose. France Bleu Toulouse. C'est à ne pas rater. La machine a saisi. France Bleu Toulouse. Décollage dans 3 minutes. France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse 95. La radio au service de tous les Toulousains. Le boulevard de Strasbourg, je trouve que c'est un bon quartier, ouais. Moi, j'habite à Colomiers, banlieue de Toulouse. Je suis de Blagnac. J'habite le centre-ville de Toulouse. Alors, les Minimes aussi, c'est un quartier sensationnel. Hein. C'est Sarnay, Saint-Aubin, le Capitole. Vous écoutez France Bleu Toulouse sur 95. 95. France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse. Bonjour France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse. 95, la nouvelle radio au service de tous les Toulousains. France Bleu Toulouse. Décollage dans 2 minutes. J'aimerais entendre parler de sport, rugby en particulier. Des informations sur la ville où on vit. Cinéma, café-théâtre. Bah, j'aimerais bien entendre les informations nationales et locales. Qui a un peu moins de publicité que sur les autres radios. De la musique sympa, des informations concrètes, rapides. Info, service, trafic, météo, culture, sport, musique. France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse. Vous écoutez France Bleu Toulouse. Beaucoup de musique. 95. De la musique, oui. La radio, au service de tout. Les Toulousains. Toulouse, Toulouse, la ville rose. Toulouse, Toulouse, de plus en plus rose. Toulouse, Toulouse, c'est la ville proche. Toulouse, Toulouse, France Bleu, Toulouse. De Muret à Saint-Jean, de Lègvin à L'Union, vous écoutez France Bleu Toulouse sur 95. France Bleu Toulouse, 90.5. J'aimerais entendre parler de la cuisine sur France Bleu Toulouse. Vous êtes les cordons bleus de la ville rose. France Bleu. Ça mijote, ça rissole. Sur France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse. France Bleu. Décollage dans une minute. Toulouse, 90.5. J'aimerais entendre parler de sport, basket, handball, foot, tous les sports d'équipe. Tous avec le TFC sur France Bleu Toulouse. Et le rugby aussi. Le ballon aura du poteau. France Bleu Toulouse. Bah, on est à 5 mètres de la ligne. La seule radio qui diffuse tous les matchs du Stade Toulousain. L'essai pour le Stade Toulousain. Enfin du bleu dans la ville rose. J'aimerais savoir ce que je peux aller voir à proximité. Les idées sorties. La variété, des chansons. Les plus belles chansons françaises. La bonne humeur. Sont sur France Bleu Toulouse. Bonjour France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse, décollage. 30 secondes. France Bleu Toulouse, 90.5. Vos conditions de circulation en temps réel. France Bleu Toulouse, la radio de tous vos déplacements. Décollage dans 20 secondes. Tous sur France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse. 25 rendez-vous d'information locale chaque jour. France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse sur 95. Le côté agréable de la vie. La seule radio au service des Toulousains. Rendez-vous dès à présent sur 95. 4, 3, 2, 1. Décollage. Heures, 9h, France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse Matin. Et c'est toute l'équipe de France Bleu Toulouse Matin qui est là pour cette naissance avec un grand sourire. Le papa de ce bébé radio, Jean-Luc Hess, président de Radio France, est-il un papa comblé? Bonjour. Je suis un vieux papa déjà, mais je suis vraiment comblé parce que. Et puis j'ai écouté cette bande-annonce qui est formidable parce que ça veut dire tout. Enfin, ça va être une radio joyeuse, ça va être une radio faite pour les Toulousains et les gens de la région Midi-Pyrénées. Et c'est toujours difficile de. D'abord, c'est très émouvant d'ouvrir une radio parce que ça arrive pas tous les jours. Et puis, on a l'impression qu'on entre dans un monde. Enfin, on sait pas ce que c'est la radio, on sait pas ce que c'est les ondes, on sait pas comment ça marche en fait, pour dire la vérité. En tout cas, moi je sais pas, mais c'est vrai que c'est très émouvant. Donc, je suis très honoré d'être avec vous. Je sens que vous êtes tous de bonne humeur. Je sens que ça va être une belle radio. Et puis, je crois savoir. Enfin, j'ai l'impression, l'intuition, en tout cas, que Toulouse, sa belle région de Midi-Pyrénées, attendait tout de même une station de France Bleu. Je regardais toujours la carte de France et puis je me disais, mais il y a un grand blanc là, il n'y a pas de station France Bleu, c'est pas possible, il faut qu'on change ça. Donc vous avez réussi à faire ça, ça n'a pas été facile hein, d'ailleurs. Et dans quelques minutes, nous reviendrons sur cet événement avec vous, Président. D'abord, l'instant historique est arrivé. Je vous laisse nous donner l'heure officielle d'ouverture de France Bleu Toulouse. Eh ben, on a 40 secondes de retard, ce qui n'est pas bien, il faudra qu'on arrête. Pour le c'est la première et dernière fois. Il est 6h. Toulouse, 95. 95. Bienvenue sur votre nouvelle radio. France Bleu Toulouse. Et voici le premier journal de France Bleu Toulouse.